Bonjour chères auditrices et auditeurs. C'est un associativement vôtre particulier qui vous est présenté aujourd'hui. C'est en hommage à une amie chère à notre cœur qui nous a quittés le 4 janvier de cette année que nous avons organisé ce moment de partage des camarades. Camarades, c'est le mot qu'employait René-Lise Rothio pour toutes les personnes avec qui elle était en lien en tant que militante pour des causes humanistes qu'elle défendait. C'est lors d'un associativement vôtre en octobre dernier qu'elle nous avait parlé de ses manières d'être et de sa façon de défendre des causes et également le sens qu'elle donnait à sa vie. Laissons-lui la parole. Alors moi je m'appelle René-Lise. J'ai un pseudo militant qui s'appelle L'Occimore. Moi je suis née dans une famille de personnes engagées politiquement à gauche. Donc j'ai toujours été engagée politiquement à gauche. J'étais engagée jusqu'à ma retraite. Et à ma retraite, je suis passée du côté du militantisme. Pourquoi je n'ai pas milité avant? Les raisons sont multiples. Entre autres, j'en cite une, je pense que j'ai été piégée par cette histoire de droit de réserve. C'est comme ça qu'on dit, hein? Obligation de réserve. Qui fait que dans ton travail, tu n'oses pas... prendre parti, militer, critiquer. Mm-hmm. Tu critiques, mais tu ne le fais pas politiquement. Voilà, je le regrette ça aujourd'hui. Je regrette d'avoir respecté de manière aveugle ce droit de réserve, d'obligation de réserve. Mm-hmm. Voilà. Bon, je me suis rattrapée depuis que je suis à la retraite. Et donc, je suis passée du côté des militants. C'est-à-dire que pour moi, l'engagement politique a évolué vers... un engagement vers des actions concrètes sur des thèmes que j'ai choisis. En l'occurrence, le thème sur lequel je milite le plus activement, c'est l'eau, qui est un enjeu pour l'humanité. Moi, je viens de Vittel, donc l'eau est en danger, est menacée d'épuisement, il y a des quantités de pollution, etc. Donc, je suis militante de l'eau aux côtés d'autres personnes qui ont constitué un collectif. Et donc, cette militance se traduit par des actes précis, hein, des manifestations, des actions, des publications, des tables rondes auxquelles on est invité, auxquelles on va, etc. Donc, c'est de l'action concrète. La différence avec l'engagement, c'est que c'est très chronophage aussi. Hein. Ça prend beaucoup plus de temps. Ça nécessite un investissement beaucoup plus important. Ça impacte très fortement sur la vie quotidienne. Voilà. Et à côté de ce militantisme, essentiellement sur l'eau, moi, je continue à être engagée en soutien d'autres luttes, d'autres causes. Par exemple, la cause antinucléaire, par exemple, toutes les causes sociales, voilà, la réforme des retraites, les défenses des services publics, etc., hein. Donc, quand je dis en soutien, ça veut dire que, par exemple, je vais aux manifestations. Je peux signer des pétitions, je ne le fais pas souvent, mais voilà, c'est souvent apporter son soutien à d'autres camarades militants qui sont en organisation d'action. Donc, camarades, parce qu'ils nous appelaient camarades. C'est les amis, mais les camarades. Donc, camarades, bienvenue à vous tous aujourd'hui. Racontez chacun une anecdote. Je vais démarrer, comme ça va peut-être donner un petit peu de punch à d'autres pour démarrer. Elle est venue l'année dernière, à peu près à cette période, je tiens à le dire, à cette période, à l'association Ralentir pour vivre. Elle m'a dit « je viens en vélo ». Bon, René-Lise qui me dit « je viens en vélo », oui, vélo électrique. Oui, mais Vittel, c'est quand même 3 quarts d'heure en voiture. Ah non, ça va le faire, ça va le faire. Elle est arrivée avec son vélo, le casque, la totale, bien tranquille. Elle était contente. Elle était vraiment en pleine forme. Elle me dit, ça me fait du bien de venir en vélo. Je me suis dit, bonsoir, elle est punchée. Hein, elle est vraiment punchée. Et je vais lire une petite lettre qu'elle m'a laissée, qui est... Elle m'a laissé la briquette de sa grand-mère pour mettre dans mon feu, pour avoir bon chaud. Alors elle marque pour Catherine, la briquette de mes mères a enfin retrouvé des pieds à réchauffer. Ça, c'est bien elle, hein, briquette de mes mères, depuis le temps. J'espère que tu l'aimeras un peu, cette brique de broc. Tu penseras à moi au creux de l'hiver, avec un petit dessin. Vous pourrez venir regarder, elle s'est dessinée elle-même, c'est trop mignon. Andreas, à toi la parole. Ben, je réfléchis longtemps pour voir quelle anecdote je pourrais raconter, parce qu'il y en a tellement. Et je me suis dit, pourquoi pas celle du 19 juin 2019. Qui a été à Sion ? Qui a été à la colline de Sion ce jour-là ? Pour la pièce de théâtre que René-Lise a initiée. Donc je vais raconter. On s'est dit, on va rendre une petite visite à la Vigilio. Vous voyez la Vigilio, le bras armé de Nestlé, qui font du greenwashing, qui mettent en avant qu'il ne faut pas boire l'eau de robinet, qu'il faut puiser sans épuiser. Et donc tout ça... on voulait, comment dire, le démasquer. Donc on s'est dit, avec nos maillots bleus, on va débarquer à l'exposition et on va rester là, on va occuper la salle. C'était sur la colline de Sion. Donc on est rentré, on a occupé la salle. Ça a bien agacé les organisateurs. Et on a rajouté une couche, on a fait une petite pièce de théâtre que René-Lise a conçue. C'est-à-dire, moi j'étais le méchant fantôme de Nestlé avec une cape, avec une tête de mort, avec un grand tuyau. Et devant moi, il y avait tous ces petits bulles d'eau, toutes ces gouttes d'eau que j'ai aspirées avec mon tuyau. Et je les ai emprisonnées. Mais pas de bol. Les gouttes d'eau sont révoltées. Donc, je me suis fait attaquer, je me suis fait écraser. Donc, cette pièce qui relate aussi un peu la liberté et aussi le dénouement positif d'un combat. Et c'est René-Lise qui avait l'idée avec Bernard. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin ? Mais la police est venue. Hein? Parce qu'on avait quand même occupé la salle à Sion. Et là, je me suis dit, on va tous aller en garde à vue. Mais non, René-Lise a parlé avec les policiers. Et avec son charisme et sa détermination, et avec toute sa volonté aussi de créer un dialogue pour expliquer pourquoi on est là, et enfin, les flics étaient de notre côté. Les policiers ont compris, surtout par le biais du plastique, que c'est bien de se battre pour l'eau. Alors là, j'ai dit, oh, voilà, c'est pas possible. Grâce à René-Lise, on n'est pas parti en garde à vue. On a passé un après-midi tranquille encore à Sion. Et voilà, ça c'est quelque chose qu'on a conçu ensemble, qui me tient à cœur. Et voilà, j'ai envie aussi, elle me manque beaucoup. Elle nous manque beaucoup. Dominique. Alors moi, le mot qui me vient quand je pense à René-Lise, c'est indignée. Elle était indignée par certaines choses et du coup, elle ne se taisait pas. Et il y a 2 ans, c'est pour ça que j'y pense, parce que c'était le 8 mars 2022, on était à la manifestation organisée par l'intersyndicale sur Épinal. Et l'intersyndicale, comme ils étaient en intersyndicale, ils avaient bien défini le cadre de la manifestation. C'était vraiment axé sur la retraite. Et puis, on était plusieurs féministes qui voulions parler d'autre chose que de la retraite. Donc, on était dans la manif, on a demandé plusieurs fois la parole. René-Lise, elle voulait lire un texte de Gisèle Halimi. Ma foi, bon, il ne voulait pas. Et puis, impossible d'avoir le micro, etc. Donc, on revient, la fin de la manifestation arrive. Alors, il y avait la sono, vous savez, quand il y a des manifestations syndicales, il y a une sono qui chante des chants, comme ça, et il n'y a pas de slogan, il n'y a rien du tout. Et à un moment, on attend, et puis la musique s'arrête. Alors on se décide, on est un petit groupe de féministes, et on chante l'hymne des femmes, mais alors à tue-tête et tout. Et en fait, on a quand même réussi à chanter notre truc. Mais ils ont remis la sono quand même pour nous faire taire, mais on avait quand même chanté notre chant. Et on s'est dit, alors la prochaine fois, il faudra qu'on organise quelque chose. Alors, c'est vrai que l'année dernière, il n'y a pas eu grand-chose, mais cette année, il y a eu un collectif féministe qui a pris en main la manifestation du 8 mars. Et il y a eu des conséquences par la suite. Et c'est vrai que je revois bien René-Lise en train de chanter à mes côtés l'hymne des femmes avec énergie. Et il y a des gens qui étaient avec les syndicats qui sont venus, des femmes, qui sont venus, puis des hommes aussi, il y avait quelques hommes, qui sont venus nous rejoindre pour chanter l'hymne des femmes parce qu'on était tellement convaincus de ce qu'on devait faire qu'elle a entraîné d'autres personnes avec elle. Et on était une quinzaine, quoi. Mais c'est vrai que... Enfin, moi, c'est, voilà. Et puis le terme indigné, parce que c'est vrai que René-Lise, il y avait des choses qui l'indignaient, et c'est ça qui la motivait aussi dans ses actions. C'est, quand elle voyait quelque chose qui lui semblait pas juste, pas normal, pas, voilà, elle était là et elle faisait quelque chose, quoi. Jean-Luc. En fait, c'est plus d'ordre privé, mais nous, on a eu la chance d'aller à Vittel, donc chez Bernard et René-Lise. Les 21 janvier, ça ne vous dit rien. C'est le jour de la décapitation de Louis XVI. Et donc, on a plusieurs années successives, on mangeait de la tête de veau chez eux. Et donc là, on était dans un cadre familial. Et puis d'autres fois, donc avec des amis. Puis d'autres fois, on est allé chez eux, chez Bernard et René-Lise. Et en fait, il y avait les garçons qui étaient là, leurs fils, leurs enfants. Et là, en fait, on avait une ambiance festive et familiale. Il y avait quand même une famille bien unie, quand même. Très unie, oui. Pascal. Moi, je la connaissais uniquement comme militante. Je lui ai toujours trouvé une énergie incroyable. Je savais pas, j'imaginais pas où elle allait chercher cette énergie. Et je me souviens avoir été impressionné par une conférence gesticulée qu'elle a donnée avec Bernard. Je ne sais plus à quel endroit c'était, mais c'était impressionnant. Son énergie à Chamagne. Voilà, justement, j'étais pas sûr, mais c'est bien Chamagne, ouais, c'est ça. Et là, c'était décapant, quoi. Et je trouvais qu'elle avait une façon de trouver les scènes, de mettre en scène une force pour défendre son point de vue. Et moi, je la trouvais exceptionnelle. Elle m'avait impressionné ce jour-là, puis elle m'a impressionné toutes les autres fois où je l'ai vue. Je me souviens aussi à Relange. Sur le stand où elle avait mis toutes les bouteilles de plastique qui avaient été déterrées. Franchement, c'était décapant, quoi. Enfin, et puis aussi, j'ai eu l'occasion de la gérer avec son énergie aussi, parce qu'on était, c'était au kiosque là, à l'occasion d'une manif. Où il fallait que je régule la parole, j'animais, et elle voulait parler en premier, quoi. Il fallait qu'elle parle. J'ai eu du mal de la réguler. Je lui dis non, René-Lise, pas maintenant, pas maintenant. Et bon, voilà. C'est René-Lise, c'est cette représentation-là que j'ai d'elle, une énergie incroyable. On va rebondir sur les bouteilles plastiques avec Fred. C'est important, oui. C'est-à-dire rebondir sur les bouteilles plastiques. Je vais déjà dire le fait que c'est chez toi que j'ai rencontré René-Lise. Après une de tes émissions où il y a plein de personnes qui venaient chez toi. Et après, paf, tout le monde est parti. Et dans la véranda, il ne restait plus que Bernard, René-Lise, moi. Et là, on commence à discuter un peu plus de tout et de rien. Et il y a Bernard qui me pose la question, qui me dit qu'est-ce que tu as envie de faire en tant qu'artiste, tout ça. Je lui avais répondu juste avant que j'étais artiste fondeur de bronze, et puis que je lui disais mais toutes les matières m'intéressent. Et là, vu l'ambiance générale dans l'époque où on vit, je lui ai répondu j'ai envie de faire un gros tas de merde. Et c'est là qu'il me dit génial, j'en ai un. Donc, me voilà enrôlé avec Bernard et René-Lise dans la petite voiture, direction la forêt de Vittel, où on voit l'amoncellement de déchets, généreux de l'entreprise Nestlé, quoi. Donc vraiment un monticule gigantesque de produits dégueulasses, plastoc et tout. Et ce qui fait que j'ai pu faire un joli tas de merde avec. Donc ça, c'était notre première relation. Puis après, ben, en fait, moi, ce que je retiens, c'est surtout une amitié inconditionnelle. Et que j'ai retrouvé avec plein de personnes qui venaient du monde entier, quoi, des civils, des personnes simples. Et puis René-Lise, c'est sa jeunesse. Dès qu'il fallait faire une banderole ou tout ça, on sortait les crayons, les peintures et tout ça, puis comme des gamins, on s'amusait, quoi. Ouais. Donc voilà. J'aimerais faire une chanson, mais cette chanson-là, bon, après, peut-être que ça vous plaira peut-être pas, parce qu'elle s'appelle « Mon âme est triste ». Mais c'est ma manière à moi d'exprimer un petit peu ce que j'ai ressenti, ce que je ressens encore. Voilà, à chaque fois que je perds une personne chère à mon cœur. Donc là, j'ai envie de commencer par ça, chanson, déjà. Oui. On te laisse te préparer. En attendant, on écoute Michel. Que dire par rapport à l'absence ? Il y avait tout à l'heure une superbe image là sur l'écran, ces chênes majestueux. Et ma première rencontre avec René-Lise, 2018, jeune retraité, tout fraîchement, ayant basculé dans ce monde de nouveau de la retraite. Manifestation à Dompaire du collectif O88, qui atterrit comme ça incidemment, par hasard, dans ma boîte aux lettres. Et donc j'ai été par curiosité pour voir ce qu'il en était. Et le premier contact que j'ai eu, c'était avec cette personne. Immédiatement flamboyante. Immédiatement, un contact superbe. Il y a quelque chose qui se passe, effectivement. Quelqu'un qu'on peut identifier tout de suite et immédiatement comme un poteau mitant, comme on dit chez moi. Colonne vertébrale. Un arbre tutélaire. Et en fait, les arbres tutélaires ne disparaissent jamais. Ils puisent leur énergie dans... ce formidable espace matriciel qui est la Terre, qui est martyrisé malheureusement par les hommes, et elle avait bien appréhendé cela, les dégâts que les hommes font à cette planète, dans leur vision aveugle de la coexistence pacifique qu'il doit y avoir. Elle avait une clairvoyance extraordinaire, une bonté d'âme, et c'est, je crois que c'est ce qu'on peut retenir d'elle, cette énergie communicative, comme savent la communiquer les arbres par rapport au biotope dans lequel ils sont. Et si nous sommes ici cet après-midi, c'est probablement en raison de cette capacité formidable qu'elle avait de fédérer des énergies. De mettre en avant l'âme. Oui, c'était une belle âme. Oui, voilà, c'était une belle âme. Très, très belle âme. Oui, c'est un grand plaisir de rendre honneur aujourd'hui. Oui. Mon âme est triste. Merci beaucoup, Aïssat. En écoutant Aïssaté, je pensais à tout ce qu'elle avait organisé autour d'Adiba à l'automne. Et puis on avait répété dans la... C'était pas toujours facile parce qu'on n'est pas des pros. Et puis elle a réussi à réunir plein de gens autour d'elle. Justement, son charisme, elle arrive à... Tu en parlais, Andreas. Donc elle arrive à motiver plein de gens et du coup on est tous partants dès qu'elle propose quelque chose quoi finalement. Et donc elle avait réussi à faire organiser une belle journée contre le racisme, pour la mémoire, contre le colonialisme. Et voilà, je crois que c'était une des dernières choses qu'elle avait organisées. Donc ça. Je m'en souviendrai tout le temps, quoi. Je comprends. Et puis, elle a donc les combats écologiques, et puis il y a aussi les combats sociaux, antiracistes. C'était important pour elle. Et je pense que, voilà, c'était dur pour elle aussi de voir monter cette vague brune qu'on sent bien présente. Et voilà, ça m'en triste aussi, quoi. Mais elle est toujours là. Ah oui, oui, oui, ça. Dans nos cœurs, elle est toujours là. Oui, oui. Elle est toujours là. Ouais, j'avais fait un petit... Tu avais laissé un petit... J'avais fait des petits haïkus. Oui, vas-y, oui, avec plaisir. C'est le moment. Ouais. Avec plaisir, oui, c'est le moment. Voilà. Alors, j'avais appelé ça « Haïkoukou René-Lise ». Voilà. « Humaine soignante, par-delà les couleurs du monde ». Tendre combattante, les coudes serrés, long couloir solitaire, l'eau y est protégée. Entière, solidaire, la rue noire de peuple, gilet jaune, bleu, jaune, vert. Chaleur musicale, la lutte est dans la fête, geste amical. Silence de l'eau claire, libre, révoltée toujours. Au revoir, camarade. Point levé bien haut. Résistance est perdue. Tu vises en nous. Bravo. Bravo. Qui aurait encore... Je sais qu'il y a des petits textes qui se promènent par là. Ben, moi, j'ai connu René-Lise chez toi. Ouais. J'étais au courant de l'histoire des eaux de Vittel, mais bon, elle m'a grand ouvert les yeux. Et c'est vrai qu'elle a une fougue qui fait que, ben oui, on a envie de l'écouter et de la suivre, quoi. Et puis par la suite, j'ai rencontré dans d'autres manifs. J'ai pas d'anecdote particulière. Non, mais un petit texte. Un petit texte, oui, j'ai un texte, mais qui ne parle pas d'Anise, mais non, voilà. Mais qui en oui. parle indirectement. Oui, oui, oui, bien sûr. Indirectement, oui. Voilà. C'est un texte que j'avais lu déjà chez toi. Ouais. Ça s'appelle Le lien. Que serait le mien, le tien, le sien sans le lien? Rien. Le lien, ce va-et-vient, est un moyen magicien que détient chaque terrien, qu'il soit londonien, palestinien, algérien, ukrainien ou vosgien, païen ou chrétien, électricien, chirurgien, mécanicien ou comédien. Le lien, c'est l'ange gardien du bien. Il le contient, l'entretient, le soutient, le maintient et, dans le quotidien, chaque citoyen peut le faire sien et dire à l'autre « Ce bien est le tien, alors viens !» Que serait le mien, le tien, le sien sans le lien ? Rien. Merci. Bravo. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent rajouter quelque chose? Je le tiens. Oui, c'est vrai. Donc, pour compléter l'image de René-Lise, ce qui était absolument admirable, c'était sa façon, enfin tout le monde l'a évoqué, de fédérer les différentes luttes qu'on a pu... abordé à ses côtés. On a toujours eu énormément de synergie. Elle était vraiment le ferment au milieu où on essayait de travailler dans la réalisation de certaines scénettes ou dans des textes à poser sur des banderoles. Alors, c'était vraiment un jaillissement de créativité à chaque fois. Bon, des choses qu'on a partagées ensemble, oui, avec toi, Catherine. Oui, le tas de nœuds qu'on a été faire chez eux, oui, comme bricolage. Oui. Et puis des scénettes voilà, assez pittoresques, ah, oui, où on a été à chaque fois. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments vraiment magiques, des éclats de rire. Et voilà, c'est quand même un personnage. Et ce qu'elle avait de fabuleux, c'est que tu ne sentais jamais de l'ego ou des cœurs. Elle ne se mettait pas dans les combats pour en faire des affaires personnelles, quoi. Mmh, c'était vraiment, ça partait du cœur, et je pense que c'est ça qui faisait qu'elle faisait bouger des montagnes. C'est ça. Ouais. C'est son âme qui parlait. Ouais. Mmh. C'était vraiment, voilà, un personnage inoubliable. Et on ne l'oubliera pas. Elle est là, elle est toujours là. En parlant des scénettes, là, on va demander à oui, ceux qui intervenaient dans les scénettes. Bon, je suis un peu trop dans la révolte pour arriver à faire quelque chose d'un peu construit. Mais je vais essayer quand même de dire voilà, tout le bien que je peux penser de René Lise. Je l'ai connue quand même très, très tôt. Relativement tôt, j'ai commencé à militer, moi, en 2017 pour LFI. Et je la rencontrais souvent dans les manifestations, sans savoir trop qui elle était. Mais je la retrouvais, voilà. Et, y compris à Nancy. Et puis, j'ai connu son combat sur l'eau. J'ai participé au CNET, donc, devant le tribunal de Nancy. Ensuite, devant la cour d'appel. Et ça a été des moments forts à chaque fois. Ensuite, il y a eu Adiba. Et là, ça a été vraiment presque explosif. Même entre nous, c'était très, très... très, on va dire, tumultueux, parce que on avait besoin de s'exprimer pour arriver à faire quelque chose. Et du coup, et par contre, j'en ai retenu quelque chose de très, très positif. Et à la suite d'Adiba, René Lise est restée donc le soir chez moi, et on a elle a passé la nuit à la maison, et le lendemain matin on a pris notre petit déjeuner et tout. Elle voulait repartir en stop tranquille comme ça. Je lui dis, bah écoute, je t'emmène quand même jusqu'au rond-point, puis je lui dis, écoute, si tu peux trouver un covoit ou quelque chose, pourquoi pas, hein. En fin de compte, je sais même plus comment elle est repartie, mais je crois que c'est en covoit. Je crois qu'elle a trouvé en covoit. Et puis, autre chose aussi, la réunion publique de Dompère, qui est restée dans ma mémoire. Je m'étais fait arrêter par la gendarmerie en arrivant sur le parking, qui m'a demandé d'ouvrir mon coffre. Et moi, bêtement, j'ai ouvert mon coffre. Mais bon, il n'y avait rien dedans, de toute façon. Donc, voilà. René me dit, mais écoute, il ne faut pas. ils n'ont pas le droit. OK. Et puis, quoi d'autre? Le petit triangle rouge qu'elle m'a offert, je ne sais plus à quelle époque, en 2019 peut-être, quelque chose comme ça, que j'ai perdu en cours de route, je ne sais pas trop comment. J'ai retrouvé, enfin, je pense en enlevant un vêtement ou quelque chose, c'est resté accroché. Et j'ai retrouvé le support, mais je n'ai pas retrouvé le triangle. Donc, voilà, donc j'en ai racheté un. Et puis, le t-shirt d'éco-terroriste que je lui ai offert, donc, après Sainte-Soline. Mmh. Voilà. Merci beaucoup, Martine. Oui. Et en attendant, peut-être que Jean-Claude, tu te mets en place, ou bien Sylvie, l'un des deux, comme vous voulez. Hein. Sylvie. Quand on est allé rendre hommage à René Lise le samedi suivant son départ, je me souviens être entrée dans son cocon, que je ne connaissais pas, et là, j'ai appris que René Lise aimait la Mirabelle. Et ça, c'était... c'était une surprise. Et son fils et son frère, un de ses fils, était là et avait une bouteille de Mirabelle cachée et offrait la Mirabelle à ceux qui voulaient bien déguster en hommage à René-Lise. Et ils étaient contents parce qu'avant de partir, elle aurait volé une petite bouteille de Mirabelle dans la cave. Et ça, ça leur faisait dire que voilà, ça l'a aidé à avoir du courage pour faire cela. Voilà. Merci Sylvie. On va laisser Jean-Claude. Avant de vous chanter, je voulais dire, il y a une vidéo en ce moment sur Internet, je ne sais pas si vous l'avez vue, qui vient de Blast. Blast, c'est un site d'information indépendante qui a été créé par Denis Robert. Et donc, ils ont interviewé Bernard et un Brésilien qui s'est battu au Brésil et qui est maintenant en Suisse, voilà, qui mène le même combat contre Nestlé. Et c'est une vidéo qui est vachement intéressante. Donc, si vous tapez Blast, enfin, je ne sais pas comment, ou si vous êtes sur Facebook, vous pouvez venir sur le mien. Je l'ai mise et vous pouvez la partager. Il faut la partager. Voilà. Merci. C'est juste un éclat, une fictive lumière d'un cœur qui bat sous la paupière. C'est le partage précieux d'un langage silencieux, comme une voix au fond des yeux. On cherche tous à glaner dans le regard des autres un petit bout du verbe aimé pour le coller au nôtre. Un petit bout du verbe. Bravo. Merci Jean-Claude. Il y a d'autres petits textes qui se promènent, je sais. Voilà. Et puis peut-être d'autres personnes qui ont envie de dire quelque chose au sujet de René-Lise. Ah, rajouter quelque chose. Ouais, ouais, vite fait, par rapport à quand on a parlé devant le tribunal des actions, ben c'est pas fini. Le 25 mai, là, il faut se préparer à être présent devant le tribunal. Quoi. Oui, je sais, ouais. Ouais. Oui, oui. C'est bien de le rappeler, comme ça au moins tout le monde peut l'entendre et puis être présent. Voilà. Je pense, Mélanie, tu l'as rencontrée aussi aux Associativement Vôtres, René-Lise. Oui. Voilà. Mais je vois. Non, je ne sais plus exactement comment je l'ai rencontrée, mais en tout cas, les dernières fois que j'ai rencontré Bernard et René-Lise, c'était chez toi, ça, ouais. C'est sûr. Ouais. Et. Parce que sinon, avant, elle a fait partie de la batucada, de la musique aussi. Il y a eu d'autres contextes. Voilà, un peu plus... intéressant, ne connaissais pas ce côté-là. Et en tout cas, les dernières fois que j'ai rencontré chez toi... Enfin, moi, j'ai toujours aimé écouter Bernard et René-Lise parce que je les trouvais vraiment très clairs, très précis. Une façon d'expliquer des choses qui, pourtant, sont révoltantes, qui nous font... qui font mal au cœur, et ils savaient vraiment trouver les mots pour expliquer simplement les faits, les choses à dénoncer, avec des arguments scientifiques, avec toutes les recherches et toutes leurs connaissances qu'ils avaient fait. Et ça, je trouvais ça toujours très impressionnant. Et... Mais j'étais pas là la dernière fois où elle parlait là de que durant toute sa vie professionnelle elle n'avait pas été militante et tout, et je trouve ça intéressant parce que les dernières fois que je les ai rencontrées chez toi et notamment René-Lise, justement j'avais envie de les rencontrer parce que moi je me posais aussi, je disais je me pose des questions par rapport à mon boulot, par rapport à des gens ou des projets sur lesquels je travaille, où il y a des choses où je sais que je ne suis pas forcément d'accord, où il y a des liens avec des liens. Je me posais ces questions-là. Et du coup, j'ai ce souvenir-là et... je me souviens plus précisément ses réponses et les mots comment elle a pu me parler, mais en tout cas c'était pas elle était pas, enfin elle m'a pas donné de conseils ou c'était pas du tout une donneuse de conseils ou une donneuse de leçons. Au contraire, elle m'a parlé d'elle, comment ça se passait, elle, pourquoi elle s'engageait. Il disait, viens, la prochaine fois que tu passes là-bas, viens chez nous. C'est comme ça que je suis passée, qu'ils m'ont emmené voir les décharges plastiques. C'était des gens très engagés, très militants. Mais je trouve dans leur façon de toujours présenter et même de, comme ça, de transmettre aux autres, juste y présenter, la situation aujourd'hui, après, t'en fais ce que tu veux, tu prends ce que tu veux, est-ce que ça te touche, est-ce que ça te révolte, nous, comment on réagit, nous, ce qu'on a besoin de faire, et chacun repart avec ce qu'il veut. Tout à fait. Voilà. Merci Mélanie pour ce beau témoignage. Vincent. Alors René-Lise, moi c'est toi qu'on a vu, mais la première fois que je l'ai vue, qu'elle m'a marqué, c'était quand on avait fait venir HK pendant en milieu de confinement, et elle dansait là, je dis, elle avait une... Elle dansait sur HK, c'était sur la place où on était à Épinal. Ça c'est là qu'elle m'a le plus marqué, et puis dans diverses manifs, notamment la manif de l'eau, au port à Épinal ou avec Andrea, voilà. Ça, puis sinon, voilà, plein de, Alors moi, c'est vrai, j'ai un texte, alors écoute ce que tu offras. Si c'est que 5-3 minutes, tu me coupes. parce que je l'avais fait. Vincent, on te connaît. Non, non, là, tu en mets la moitié, puis ça fera voilà, l'affaire. Tu verras bien, tu te coupes. Ouais. Quand je te fais ouh, tu sais voilà, que ça commence. Voilà, tu sauras. À... Mais bon, c'est comme je l'ai fait dans la foulée quand je suis allé, justement voir le cocon, là-bas, chez elle, là-bas à Vittel, j'avais jamais été. Et je l'ai fait dans cette foulée, dans l'émotion du moment. Ça a été sur Facebook aussi, où il y a le meilleur et le pire, mais là, c'était... Bon, je vais dire. René-Lise. Torpille de la mort, torpille de l'amour, les eaux sont insondables des devenirs qui mordent celles qui les animaient. Son visage englouti, tel Ophélie, nous flotte à l'instant, à l'infini des espérances décryptées, défilées, incisées dans l'impossible. Tu mords les eaux de ton regard à vif, ondine perdue dans les vagues du temps. Quelle interrogation tu nous portes à la lune des rêves, à la lune des réverbérations, sensible, ultime, intime, amour, reine des flots, reine des jours, reine de la lumière, opéra des saisons sur le frémissement des surfaces livides. Belle dame bouclée de rivière en santé, ensorcelée de rêves. Ainsi le tourbillon de l'azur intérieur t'aspire aux abîmes où tu t'abîmes et nous incite aux rives sombres. Tu vas dans l'indicible dire les mots de mort qui mordent nos vies hâtives, stressées, inconséquentes, légères ou trop lourdes en leur poids quotidien et tu t'es libéré de ce poids. Toi qui t'es arraché à ces chaînes, hymne de la vie, pourtant tu portais à l'extrême, extrême gauche peut-être, cette vie. Extrême gauche, extrême hoche, l'univers pour le secouer vers le possible, impossible. Prends ta réalité pour des rêves, tes rêves pour la réalité. Cours camarade, le vieux monde est derrière toi. Ah, il a couru derrière toi le vieux monde, cette course échevelée vers le lac, vers la pierre percée, vers la lumière ultime, pierre percée des impossibles luttes. Extrême hoche, hoche le temps à la tête sceptique. J'imagine cette course folle. Contact, première, deuxième, troisième, chauffage, clignotant droit, clignotant gauche, priorité à droite, à gauche, 50, 90, attention au radar, doubler, se laisser doubler, et puis cette course à la mort. Le dérisoire des mots sur l'immensité de toi nous percute à notre peut-être, peut-être, d'arcane que l'on ne sait crypté, décrypté dans la crypte du temps, où la mort et le vif aux frontières du sort. Flamme insoumise, belle, rebelle, ton cœur est rouge et l'onde telle, la lune limpide, havre d'elle, elle, lucide, toute celle, envolée, fille des combats, lune de mire où leur cœur bat, vous êtes libre à rire d'elle, toute sœur ivre de l'amour, lisière, lise d'un grand jour que vous dessinez, renaissance d'une terre renée en liance. Mystère lune scintille de celle éperdue qui avait rendez-vous sans doute secret, sacré, avec toi, reine des eaux qui mord la mort. Lune, la une où tout est reflet, tous, toutes révélées en un rire lumière. Bravo. On va quand même faire un petit tour pour toutes les personnes qui sont là. Je pense que c'est important qu'elles les entendent. Voilà. Comment l'avais-tu croisé aussi, un associativement vôtre ou bien autrement? Oui, mais déjà dans une manifestation voilà. Où généreusement, enfin, je trouve, elle est venue vers moi. Pour savoir qui j'étais et puis pour discuter un petit peu. Et du coup, elle m'a raconté un petit peu son combat. Voilà, dont les comme disait Mélanie, dans toute sa pédagogie pour expliquer de façon précise et... à la portée de tout le monde. Et puis, ben, je voulais dire aussi que je l'avais rencontrée il y a 6 mois. Je lui avais demandé comment elle allait. Et là, c'était ouvert à un abysse. Son âme pleurait, comme disait Aïssaté. Elle n'a pas voulu m'amener dedans. Elle m'a pas, je l'ai senti, mais voilà, je l'ai laissé. Il n'y a pas eu d'autre expression de ce mal-être. Après, je l'ai rencontré lors de l'hommage à Diba. Et puis là, elle était l'organisatrice, la fédératrice, enfin, elle assurait, quoi. Et je me suis dit, ben, c'est bien, elle a retrouvé, elle va bien. Voilà, elle va bien. J'étais contente de la voir comme ça. Voilà. C'est bien. Mais c'est un peu, pour moi, l'image avec ses cheveux de la lionne qui rayonne. Oui, jolie. Merci, Mickey. Très jolie image. Bertrand, est-ce que tu veux dire quelque chose? Moi, j'ai des très bons souvenirs de René-Lise, bien sûr. Je l'ai connue il y a une dizaine d'années à Mirecourt, quand on avait monté le café associatif, le café utopique, et puis après Biosic dans la foulée. Je me souviens notamment du jour où on a créé Biosic. C'était une petite salle chez les privés, elle était à côté de moi. C'était bondé, tout le monde ne pouvait pas rentrer dans la salle, il y avait une ambiance terrible, et elle, c'était une vraie ado, elle était, je crois qu'elle adorait tout ce qui était organisation collective elle n'était pas directement impliquée dans l'organisation, elle était plus en spectatrice, mais elle était vraiment enthousiaste et c'était super chouette. C'était un beau moment, quoi. Merci Bertrand, c'est gentil, merci beaucoup. On va encore entendre peut-être une personne, et puis après Sylvie, je pense. On terminera avec Olivier, qui nous fera profiter à la fin d'un petit concert de violoncelle. Voilà. Luc, je l'ai plutôt côtoyé, rencontré en manifestation. Voilà, et effectivement, elle émanait beaucoup, et le souvenir que j'en ai, c'est son rire. Un rire franc, puissant, contagieux. Voilà, c'est vraiment l'image qui me vient. René-Lise, je l'ai rencontrée aussi à la création du café associatif de Mirecourt, où elle était venue nous rencontrer. Et puis ensuite, je l'ai retrouvée au fil du temps dans les différentes manifestations, qu'elles soient culturelles ou militantes. C'est vrai que sa présence, c'est un rayon de soleil. Et je garde d'elle l'image d'une femme engagée, drôle, rebelle. Une très belle image. Merci Geneviève. Je ne sais pas comment exprimer mon souvenir que j'ai. On ne se connaissait pas trop, mais on se croisait pour les manifestations contre Nestlé avec Jean-Luc et Marie-Michel. Avec Épinal en transition. Et je me souviens la dernière prise de parole à Relange, il y a 2 ans, quand j'étais venu, où elle disait qu'il fallait écouter les jeunes et il faut arrêter d'être. C'est bien d'être indigné, mais qu'il fallait être désinvolte, garder ça parce que c'est une injustice. Tout ce qu'on nous fait croire qu'on fait avancer les choses avec des lois, mais tout ça c'est de la connerie, quoi. Parce que dans les actes, ils continuent à déforester, ils continuent à s'en foutre de la vie, on dirait. Donc c'est que le pognon, quoi. C'est certain qu'elle était révoltée sur tout ça. Oui. Merci beaucoup, voilà, Nicolas. Bernard et René-Lise. Voilà. Deux héros, quoi. Quand je les ai vus à la télé, je me dis, c'est bien, les choses changent quand même, mais il faut continuer, quoi. Merci, Nicolas. Deux bougies sur mon bureau, Dame danseuse en tutu blanc, coule, coule comme l'eau, sans t'arrêter mon siège blanc. Deux bougies dans la glace, quatre bougies dans la chambre, soudain, courant à la place. Ton habit de clown blanc, elles peuvent même lever, je crois, l'âme de cire, l'âme de sang. Peuvent comme toi, mon roi, rendre triste quand elles sont gaies et faire rire quand plus rien ne va. Après des années sous ce projecteur, est disparu comme le siège blanc. Ne m'a laissé que son cœur. Le bougie sur mon bureau, dame danseuse en tutu blanc. Bravo, merci. Oui, mais on vient d'avoir beaucoup de qualificatifs de René-Lise depuis indignée, militante. Moi, je dis René-Lise déterminée. Je vois René-Lise arriver sur la place des Vosges un soir de Nuit debout, en 2016 à peu près. Et je la vois ensuite à toutes les manifestations, à beaucoup, jusque bah, Vittel, hein, on manifeste, à Golbey, il y a le reportage là sur l'eau et puis son combat contre la corruption. Et puis un week-end, là, il y a deux ans, on part un jeudi soir, un vendredi matin pour arriver à Sainte-Soline. Et puis on se fait canarder le lendemain, là. Et on voit plein de... On a une pluie de grenades qui nous tombe dessus. Et on s'écarte. Et on... Voilà quoi. Et puis on revient et on a pris un sacré coup. Hein. On est... On se dit, ouais, la lutte a changé de niveau. Et en face de nous, bah, au lieu d'avoir des forces de la paix, quoi, des gardiens de la paix, on a des méchants FDO, là. Ouais. Et puis, ben, ça continue, et puis le combat continue, et puis Adiba, elle me dit, ben, la prochaine fois qu'on se verra, on fera la fête. Oui, voilà. Oui, moi aussi. On voulait faire une fête. Oui, on devait faire la fête. Voilà. Mais voilà, déterminé, et puis jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout. Oui, tout à fait. Carmen. Moi, j'ai croisé René-Lise quelques fois, deux, trois fois, sur des manifestations en soutien pour les soignants et les enseignants, il y a quelques années. Et, moi, j'ai la rencontrée et moi, j'ai trouvé incroyable au niveau énergie et en même temps très doux. Et ça m'a marqué sa présence. Ouais. Merci, Carmen. Philippe. Bah, j'ai rencontré René-Lise sur des manifestations, mais sans plus d'échanges. Et la fois que je l'ai rencontrée, c'était en hommage à Adiba. Pareil, donc une belle personne, quoi, tout simplement, avec une bonne énergie. Voilà. Donc. Corinne. Oui, moi aussi, j'ai rencontré René-Lise sur les manifestations. pas eu beaucoup l'occasion de la côtoyer, mais par contre, elle venait toujours me dire un petit mot gentil. Et j'ai été touchée par sa simplicité. Et j'ai remarqué, en fait, qu'elle était une personne très sensible. Mais malheureusement, je l'ai remarqué trop tard. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Et vraiment, je regrette, j'aurais aimé la connaître plus. Et c'était vraiment une belle personne. Sylvie. D'autres Sylvie. Ouais, moi, je l'ai rencontrée la première fois au Col d'Ea pour le combat du monde du vivant, là. Et on a partagé une chanson complètement hurlu-berlu avec son mari. On était trois, on devait tous chanter, on n'était plus que trois avec Christophe Toussaint IV. Et en fait, j'ai pas la mémoire des visages, donc je l'ai retrouvée chez toi un jour. Et en rediscutant, on s'est rendu compte qu'on avait partagé ce moment-là. J'ai pas de mémoire des visages, je croise des gens, mais ça tilte pas, en fait. Et c'est vrai que j'ai dû la recroiser à Épinal, là. Et c'est toi, Fred, qui m'a fait faire le lien. Parce qu'il m'avait dit un jour, si tu fais un concert, ça me touche, si tu fais un concert de chansons que tu écris, on viendra te voir. Et j'ai sa carte sur mon buffet dans ma cuisine. Voilà. Et le lien a été très fort. Pourtant, je ne la connaissais pas. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour elle. Merci. Merci. Merci, merci à elle. Une anecdote un Vas-y. Peu plus rigolote, quoi. C'est justement à Sainte-Soline. Donc on ressort, et là il y a un barrage avec les gendarmes, tout en bleu, avec des gilets jaunes. Donc ils nous fouillent tout le basseringue. René-Lise parlemente avec, et elle fait, c'est quand même exagéré votre réaction. Et puis tel gendarme qui fait, ouais, mais vous savez, madame, les gilets jaunes, ils sont dangereux. Donc voilà, elle l'a regardé et elle a fait Ouais, bah on s'est bien retenu de rire devant eux, quoi, parce que... C'est sûr. Oui, j'ai envie de dire un truc, mais c'est en chanson. Alors vas-y, avec plaisir. Olivier. Ben, moi, j'ai rencontré René-Lise la première fois, c'était au port, là, pour une manifestation sur l'eau. Et puis après, je l'ai recroisée de temps en temps, je la connaissais assez peu. Et la dernière fois que j'ai croisé, ben, c'était chez toi. On a fait de la couture ensemble. Ah oui, c'est vrai. Et moi, l'image que j'en ai, c'est son visage, sa boule, oui. Cette boule de cheveux, son sourire et ses yeux. Ah oui, les quatre jours d'atelier couture, là oui. Où on a fait des trucs de ouf. Oui, elle était en train de préparer à Diba. Puis elle était souvent sur son téléphone, puis elle me disait excuse, mais je viens coudre. Puis elle repartait sur son téléphone, elle revenait entre deux. Oui, tout à fait, je me souviens bien. Oui, c'était fin octobre. Oui. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Moi, j'ai longtemps, souvent croisé René-Lise dans toutes les manifs, un peu comme tout le monde. Je ne l'ai pas connue personnellement, mais. Ce que j'ai ressenti chez elle, je le ressens chez moi, c'est cette ambiguïté permanente de la force et de la joie, de la lutte. Et en même temps, ce que tu disais à Sainte-Soline, quand on est confronté à la violence en face et à la stupidité de la société et de l'humain qui détruit, et moi, j'ai organisé des tas de choses et je ressentais toujours ce truc de dire « Ah ouais, putain, on a fait venir 5000 personnes à Nancy pour la marche du climat, c'est génial !» Et puis en même temps, le soir, on se dit « Ben ouais, mais ça a servi à quoi ?» Et on a toujours cette balance de dire « Bah, on fait des choses, on a de l'espoir, on a de l'envie, on donne de l'énergie. » Et puis finalement, c'est déprimant de voir que le monde est en train de s'effondrer. Et il y a toujours à l'instinct, je l'ai vachement ressenti chez René-Lise. Ce côté où on pouvait être effectivement en même temps à fond, joyeux, parce que la révolution, c'est dans la joie, parce qu'on est ensemble, donc on fait du commun, on fait de l'humain. Et en même temps... Merci beaucoup. On va écouter Aïssat. Ah, Juste ajouter, en plus du côté militant, elle avait un côté très familial. Et on a pu, avec Dominique, partager un moment festif avec sa famille. Alors c'était un anniversaire, je ne me souviens plus de qui c'était l'anniversaire, etc. J'avais fait une petite vidéo et vraiment c'était un moment, un super beau moment. Voilà. Et une famille vraiment extraordinaire aussi. Chanteur et danseur. Oui. Voilà. Oui. Aïssa, tu t'écoutes. Là, j'ai envie que celles et ceux qui ont envie de jouer, jouent. Tac. Les petites percus, tout ça. On peut utiliser les bras, les mains. On peut utiliser son corps. Alors, on va se mettre un petit peu debout. Merci. Nous allons entendre Pierre Feutet. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je regrette vraiment de ne pas pouvoir être là avec vous aujourd'hui. Je remercie Catherine d'avoir organisé cet événement, cet hommage pour Renélise. Renélise, que j'appréciais vraiment beaucoup. J'ai travaillé avec elle lors de l'organisation de l'Infotour. Et c'était quelqu'un vraiment de formidable. Elle nous donnait la pêche. Elle était très généreuse. Elle nous a accueillis chez elle. Elle avait vraiment beaucoup d'énergie et ça nous a fait beaucoup de bien qu'elle nous accompagne dans ce projet. Ce projet qui était un combat aussi pour l'eau, puisque l'eau risque d'être polluée par les déchets radioactifs si on les enfouit à Bure. Avant son départ, Renélise a laissé une chanson sur son compte Facebook, une chanson d'Anne Sylvestre que je ne connaissais pas, qui s'appelle « Le lac Saint-Sébastien », et que je vais vous interpréter, et interpréter en son souvenir. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, je ne comprends pas ces humains, ils sont si pleins de turbulences, je crois qu'ils ont peur du silence, ils s'imaginent réfléchir, moi je sais ce que ça veut dire. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, où je leur expliquerai bien qu'il faut qu'il n'y ait pas un souffle, ou bien l'image se boursoufle, on ne distingue plus le fond, le ciel est comme un vieux chiffon. Mais près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène, et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue de l'eau. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, elle dit que nous sommes cousins, que les humains sont très liquides, mais ils ne sont pas translucides, où sont leurs truites, leurs broches, il faut croire qu'ils les cachaient. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, sans doute ils n'y comprennent rien, l'eau qu'ils possèdent, ils la salissent, ils y jettent leurs immondices, et quand elle est bien polluée, disent qu'il faut la purifier. Mais près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène, et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue de l'eau. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, ils sont étranges ces humains, quand ils détournent des rivières, ils sont parfois très en colère, si elles vont regagner leur lit après avoir tout englouti. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, je crois qu'ils ne font pas le lien entre toutes les eaux du monde. Moi, je sais qu'elles correspondent, et qu'en la plus petite flaque, il y a l'espérance d'un lac. Mais près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène, et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue de l'eau. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, ils se battent comme des chiens, ils sont chiens quand ça les arrange, et puis se prennent pour des anges, comme si d'être ce qu'ils sont leur donnait un mauvais frisson. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, ils s'improvisent magiciens, ils déracinent, ils bétonnent, ils font le vide et ils s'étonnent que les saisons aillent de travers et que s'étende le désert. Près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène, et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue de l'eau. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien. Je refroidis, l'hiver s'en vient, bientôt se formera ma glace. Dessous j'aurai toute la place, pour moi le gel est bienvenu. Je n'aime pas les arbres nus. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, je vais rêver à ces humains. Ils seront encore là, j'espère, quand mes eaux redeviendront claires et que poseront les huards, pourvu qu'il n'ait pas de retard. Près de moi cette humaine et traverser l'hiver sans peine, qu'elle vienne avec les oiseaux me parler la langue de l'eau. Nous allons entendre un acrostiche de Françoise Schwellnus avec Olivier Dicary à la contrebasse. Acrostiche de René-Lise Rothiot. René-Lise Rothiot était issue d'une famille très engagée. Engagée, elle le fut elle-même et militait pour l'eau. Naturellement, elle avait attendu sa retraite pour s'engager à plein temps. Elle était une militante de tous les combats et avait lutté éperdument contre l'accaparement de l'eau par Nestlé à Vittel. Les collectifs Eau 88, Stop Embouteillage et son compagnon l'aidaient infiniment à lutter contre ce pillage industriel. Silencieuse, elle ne voulait pas le rester, car elle ne comprenait évidemment pas qu'on puisse pomper à Vittel trois nappes phréatiques aussi radicalement et jusqu'à l'épuisement, et pas toujours légalement. Oui, et tout cela pour produire plus d'un milliard de bouteilles plastiques en un an. Terriblement triste, déçue, meurtrie et désabusée, elle l'était devenue et aussi horriblement révoltée par cette situation qui réprime les militants plutôt que les idiots qui dévastent le monde. Un monde qui ne tourne décidément plus rond. Oh, elle avait appris à parler la langue de l'eau et souhaitons que son âme ait réussi à percer un tout petit trou dans la pierre du lac pour continuer à parler à l'eau, avec l'eau et pour l'eau. Bravo!